Je suis bien aise de vous voir, Cléante. Et vous voilà tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucile en mariage. Ah, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre, et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme, et qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents, sans doute, qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service, et je me trouve assez bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres, en ma place, croiraient pouvoir prétendre, et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez-la, monsieur. Ma fille n'est point pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Madame Jourdain, que voulez-vous en dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes, nous autres, de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux, que de bonne bourgeoisie? Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, elle n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui s'approprie. Il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose, moi, où je ne consentirai point. Les alliances, avec plus grand que soi, sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents, et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter un équipage de grand dame, et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, c'est madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse, étant petite, de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été si relevée que la voilà, et ses deux grands-pères vendit du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils paient maintenant peut-être bien cher en l'autre monde, et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets, et je veux un homme en un mot qui m'est obligation de ma fille et à qui je puisse dire « Mettez-vous là, mon gendre, et dînez avec moi. » Voilà bien les sentiments d'un petit esprit, de vouloir demeurer toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde, et si vous mettez en colère, je la ferai duchesse. » Il sort. « Cléante, ne perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire résolument à votre père que, si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. »